Grande Hermine. Conte de fées des trésors, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. J'aime à me faire peur. Je n'y peux rien, j'invente des histoires. CKRL 0291. Mesdames et messieurs, nous sommes le 18 novembre 2011. Émission spéciale aujourd'hui. Normalement, Tania Beaumont est en direct d'ici les studios de CKRL pour l'émission Change de disque. Changement au programme, émission spéciale telle qu'annoncée depuis les 24 dernières heures. Christian Saint-Pierre aux commandes du micro. Vous aurez aujourd'hui une émission toute spéciale dédiée à un mouvement qui ma foi fait flèche de tout bois dans l'actualité, les journaux, les médias de Québec et même du monde entier. C'est le grand mouvement mondial Occupy, ou ici au Québec, Occupons Montréal et Québec. Ça fait couler beaucoup d'encre, couler beaucoup de salive également au niveau des médias parlés. Donc, CKRL a pris la décision, nous avons pris la décision ici à La Fausse Patte, votre émission que vous avez l'habitude peut-être d'entendre sur les ondes de 15h30 à 17h30 les mercredis. Donc aujourd'hui, émission toute spéciale en cette belle journée d'automne ensoleillée, quoi qu'un peu fraîche. On va dédier ces 2 heures au mouvement Occupons Québec. Question d'expliquer ce qui se passe, donner la parole aux gens qui sont là présentement sur le campement de la place de l'Université du Québec, juste à côté de l'ENAP, sur le boulevard Charest. Et ma collègue habituelle, Catherine Dorion, qui sera en direct du parc tout à l'heure avec certains intervenants, qui va poser des questions à ceux qu'on appelle la troupe des indignés. Et moi, de mon côté, en studio, de plus en plus, il y a des personnalités publiques, qui prennent position en faveur de ce mouvement, en faveur ou, à tout de moins, se montrent un peu plus compréhensifs et ouverts, contrairement à ce qu'on a pu voir du côté de la mairie de Québec. Donc, une mission assez chargée, beaucoup d'informations, beaucoup de questionnements également, beaucoup d'opinions seront émises, parce qu'évidemment, on n'a pas eu la chance souvent d'entendre les indignés prendre la parole en ce qui concerne les ondes radio ou les ondes télé. On les a vus dans les reportages. Mais aujourd'hui, on va essayer de leur donner le plus longtemps possible d'antenne, ainsi qu'à leurs appuis, les quelques appuis qu'ils ont dans le monde politique. Nous aurons de la visite en studio et même directement au parc Saint-Roch. Certaines personnalités vont passer faire leur tour, question de s'adresser aux indignés et prendre la parole à notre micro. Donc, mesdames et messieurs, si jamais ce mouvement vous intéresse, vous vous posez toutes sortes de questions, évidemment, vous, chers travailleurs, chers auditeurs, peut-être avez-vous la chance peut-être d'entendre parler, de lire sur le sujet, eh bien, on s'est donné comme mission ici à La Fausse Patte, comme d'habitude, de démystifier certains dossiers, de voir si les préjugés qui courent un peu partout sur les médias, sur les ondes et sur le papier sont fondés ou ont raison d'être. J'ai ici devant les yeux un manifeste, voilà, qui explique un peu le mouvement, toute la base, la théorie, voilà, toutes les réflexions qui ont donné naissance à ce mouvement. On va faire un petit topo historique du mouvement Occupons, le mouvement des indignés qui bat son plein depuis le début 2011. Les premières manifestations dont on a entendu parler, c'est le printemps arabe, évidemment. Donc, trois pays, dans le Maghreb, ont changé de gouvernance. En fait, le peuple s'est soulevé à question de se débarrasser d'une dictature, en fait, qui régnait dans chacun de ces pays-là depuis plusieurs années. Évidemment, dans la Libye, ça a été un petit peu plus difficile. Il a fallu des interventions militaires beaucoup plus musclées afin de déloger le colonel Kadhafi. Mais du côté de l'Égypte et de la Tunisie, c'est le peuple vraiment qui a pris les choses en main, qui a forcé les gouvernements en place, les dirigeants, à démissionner et à mettre en place une nouvelle démocratie. D'ailleurs, la Tunisie est allée en élection dans les dernières semaines et c'est une toute première élection démocratique au suffrage universel depuis plusieurs décennies. Donc voilà le gouvernement qui sera bientôt en place, un gouvernement d'alliance. Évidemment, il y a toutes sortes de discussions. On sait que les islamistes sont le parti qui a obtenu le plus de votes, mais c'est à peine une trentaine de pourcents des votes au suffrage universel. Donc c'est un pays qui recommence à goûter à la démocratie, à s'en servir comme outil de gouvernance et surtout d'affirmation. Par contre, au niveau de l'Occident, et bien évidemment, lorsqu'on parle du Maghreb, on parle de l'Afrique, c'est toujours une espèce de lieu dans le monde qui nous atteint moins. Au niveau de l'Occident, les choses ont bougé également. J'étais moi-même en voyage au mois de mars du côté de Londres, où ont eu lieu les émeutes de Trafalgar Square. On s'en souvient peut-être pas, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais la ville de Londres et les alentours ont subi, et l'Angleterre tout entière, en fait, a subi les foudres d'insurgés, voilà, de jeunes de banlieue. Le taux de chômage est assez élevé. Et à l'instar de Margaret Thatcher dans les années 80, Gordon Brown, le premier ministre en poste, a instauré des mesures très draconiennes d'austérité, des mesures qu'on appelle d'austérité, afin de redresser les finances publiques. C'est pas compliqué, c'est des coupures dans les services publics, question d'assainir les dépenses de l'État, donc de réduire l'interventionnisme d'État et de, encore une fois, revenir à une libération des marchés. Les syndicats nationaux en Grande-Bretagne sont sortis dans les rues avec les citoyens et ça a donné les affrontements que l'on a connus au mois de mars. Personnellement, j'ai vécu cette expérience-là de voir les hélicoptères dans le ciel avec les lumières. On se serait cru en temps de guerre avec les anti-émeutes un peu partout. On y échappait belle avec mes amis avec qui j'étais en voyage. Et puis, mais c'était quand même troublant de voir que ce pays qui est reconnu normalement pour son calme et son côté, sa sobriété, de voir que un ras-le-bol pouvait surgir. Et c'est ce même ras-le-bol, si vous connaissez un petit peu la culture underground, en fait, qui a donné la naissance à la culture underground dans les années 80. Tout le mouvement punk underground qui vient justement du métro de Londres, parce que les affiches underground, les affiches du métro à Londres, c'est écrit underground dessus, et c'était les artistes que l'on retrouvait dans le métro qui ont donné naissance à ce mouvement émergent. Eh bien, le mouvement se répète. Encore une fois, 30 ans plus tard, c'est les mêmes revendications qui sont faites, comme quoi la situation, malheureusement, n'a jamais été réglée. Évidemment, par la suite de ça, on a parlé de l'été européen. Après le printemps arabe, l'été européen, c'est à Madrid, en Espagne, plus précisément à Madrid, où les gens sont sortis à l'extérieur pour combattre un taux de chômage qui atteignait 20% et encore une fois, des mesures d'austérité. On sait que la zone euro au niveau économique est victime d'une crise majeure. On en entend parler à tous les jours. À la fausse patte, on a eu Bernard Raymond, grand spécialiste économique de l'Université du Québec à Montréal, qui est venu nous expliquer que, justement, l'Union européenne est dirigée, l'idée, par la France et l'Allemagne, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, cherchent des solutions afin de sauver les pays les plus en danger. On parle évidemment toujours de la fameuse Grèce, là, où le premier ministre a été forcé de démissionner. Même chose pour Silvio Berlusconi en Italie. Donc, ça brasse beaucoup. Il y a le Portugal aussi, l'Irlande, qui sont sur la corde raide. Et ensuite de ça est survenu Occupons Québec, Occupy Wall Street, qui a fêté hier ses 2 mois d'occupation. Donc, ce sont des indignés qui ont pris possession d'un parc dans la grande ville américaine, dans le Big Apple. Et hier, ça faisait 2 mois. Il y a eu des grandes manifestations. On dit qu'il y a eu des affrontements, évidemment, avec la police, parce que les événements nous ont montré également que la mairie de New York a décidé de prendre en main la situation, de d'évincer, en fait, les occupants de d'Occupy Wall Street et de mettre fin à cette occupation, en fait. Mais les indignés ont répliqué hier par une grande manifestation très festive, pacifique, où on a calculé 20 000 personnes qui ont marché dans les rues de New York hier pour porter leur appui à ce mouvement, pour montrer que les indignés ne sont pas sur le point de s'essouffler. Du côté de Montréal, Occupons Montréal, dans les journaux, malheureusement, en fait, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. On en entend moins parler parce que les choses se passent bien. La relation entre la ville de Montréal et les indignés se porte, ma foi, quand même assez bien. Ce qui fait en sorte que à Québec, on retient l'attention parce que au niveau de la mairie, à l'hôtel de ville, M. Régis Labeaume a décidé de faire autrement et de d'émettre, pardon, un avis d'éviction pour les indignés. D'ailleurs, l'avis est tombé hier et les gens devaient quitter pour ce matin 8 heures. Aux dernières nouvelles, lorsque je me suis présenté sur le camp tout à l'heure sur le coup de 13h30, 14h, ils étaient toujours présents, les tentes étaient toujours debout et ils ont résisté ce matin. Une soixantaine de policiers se sont présentés avec les employés municipaux de la Ville de Québec pour démonter, ils ont réussi à démanteler la cuisine, en fait, parce que la bataille qui se livre présentement sur ce terrain-là, c'est une bataille d'usure, en fait, Et au fur et à mesure que les jours avancent, ben, les policiers débarquent avec les inspecteurs pour rajouter des difficultés supplémentaires aux indignés. Et à chaque fois, les indignés réussissent à trouver des solutions afin de demeurer. Et ils sont toujours debout, ils sont toujours présents. Pour comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils continuent de résister, eh ben c'est pour ça que ma collègue Catherine Dorion sera sur place tout au cours de l'émission. Deux interventions pour elle en direct campement d'Occupons Québec à la place de l'Université du Québec, c'est l'ENAP en fait, sur le boulevard Charest. Et moi aussi j'ai de l'information ici, j'ai monté un dossier, je vais vous lire entre autres une partie du manifeste qu'ils ont écrit au tout début. La première rencontre a eu lieu le 12 octobre dernier à Place Diouville, et c'est à la suite de ça, que de cette manifestation, que le mouvement Occupons a pris son envol et qu'on a décidé de prendre possession, voilà, du parc Saint-Roch à partir de la semaine suivante, à partir du 19. Et depuis ce moment-là, ben ils sont présents, et c'est la saga que l'on connaît depuis ce jour. Alors, on va revenir à la suite d'un petit bloc musical avec ces informations, une partie du manifeste, et puis je vous rappelle que vous êtes dans un spécial Occupons Québec de la Fausse Patte sur les ondes de CKRL 89.1, et au retour, quelques personnalités, et on va se retrouver aussi en direct de la place de l'Université du Québec avec ma collègue Catherine Dorion. Pour l'instant, ben, on y va avec une chanson des Cowboys Fringants directement de l'album La Grand Messe, c'est Si la vie vous intéresse. De la roue, je suis un Christ humain du 21e siècle. Pose pas de questions, tout est correct. Même si je sais qu'on va travers, que la moitié de mon salaire sert à gagner le cash nécessaire, qu'il me faut simplement pour aller travailler. Je ferme les yeux, je veux pas y penser. Je sais aussi que je suis prisonnier d'une grosse cage au bord au doré, que je vis sur du temps emprunté à des banquiers, à des compagnies de crédit. Ça me prend ma dose, je suis un junkie. Si la vie vous intéresse, vous êtes à la bonne époque. Venez célébrer cette grande messe. Vous vous sentez inutile, consommez, on a du stock. Pour combien vous de vos vies serviles. Qui se complaît dans l'abondance, et où les gens se mettent en transe devant la réussite et les biens matériels. On crée le plaisir artificiel. Société de contradictions où se côtoient beauté canon, sort d'Hollywood au phototon, où il y a baiser au beau cul sur le bord de la crise de cœur. Dans cette culture du hamburger. Et malgré que je creuse le fossé entre richesse et pauvreté, moi je me sens pas trop concerné, en autant que ces choses ne se passent pas dans ma vie. Je rentre la tête dans mon nombril. Si la vie vous intéresse, vous êtes à la bonne époque. Venez célébrer cette grand-messe. Vous vous sentez inutile, consommez, on a du stock. Vous comblez tout de vos vies servies. Les States dans ma cour. avait une grosse commotion. Le patron, ça va pas bien, il a plus de petits crayons. Le patron des Mauriens, sans hésitation, il fait lever la main. Un, deux, trois, réunion. Faut trouver une solution, qu'est-ce qu'on fera bien? Une réquisition, le patron, c'est qui? Quand le moment est venu de passer à l'action, il s'est bien aperçu, il y avait un petit crayon. Avant les élections, quand on a besoin, ils sont en réunion. Ils ont bien des pépins, surtout de digestion. Quand ils pètent enfin, ils pètent une dépression. Le papier du médecin, ce monsieur n'en peut plus. Le traitement qui convient se donne à Odolulu. Où est-ce qu'ils font des congrès pour être bien certains qu'ils seront pas tout seuls à rester des bons riens. Ils ont besoin d'affection, ils sont comme les statues, ils ont besoin d'érection. C'est en chambre de bain qu'ils ont des frissons, quand ils se poignent le ouin-ouin dans le trou du bain tourbillon. Un affaire de certain, ils ont bien du vécu, même qu'on les a vus à Brossette du coin. Ils sont allés plus loin voir les danseuses tout nues. En sortant ben certains, ils ont demandé un reçu. Les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens. Quand j'en aperçois un, tu fais ce gros pognon. Je suis jaloux, j'en conviens. Qu'est-ce que tu veux, je suis collant. C'est pour ça que matin, j'ai passé l'entrevue à Régie des Mauriens pour devenir ta queue. Ah, quel est votre nom? Moi, c'est Vini Ouin-Ouin. Votre occupation? Ben, aspirant Mauriens. Quel est votre but? Ben, vos plans de pension. Et ben, à quelle position? Ben, assis sur mon cul. C'est dans le convention à page 80. La compétition, faut tenir ça bien loin. Croyez-le oui ou non, j'ai coulé l'examen. Le patron m'en répond, t'auras dû en faire moins. On y vint, beau dommage dans le fond. Faut pas rire des bons liens, Richard, mauvais garçon. Sont tellement humains que j'en ai des frissons. Ils ont tellement d'instinct qu'ils le poussent des tontons. J'ai dit vous irez très loin. Bon enfin mon petit clin. Comme ça on se verra plus. En pensant dis-moi donc. Quand t'es couché dans ton foin, appousses-tu ton crayon pour te faire un dessin? Là je finis ma chanson. Ça ça me rapporte rien. Oui j'ai perdu mon nom dans le mouvement des jardins. Quand je roule dans la rue puis que je vois un bon rien, pas capable, j'passe dessus, sans faire un plus en moins. Les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens, les Mauriens. Excusez-moi. C'est KRL 89.1 vous présente cette émission spéciale de la FESPAT sur Occupons Québec. Montréal, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, l'ancienne Lorraine. Les Duchesses 2.0 sont de retour pour une troisième année. Tu as toujours rêvé de porter un tutu en tenant une chainsaw. Tu habites Québec et tu as toujours voulu devenir une duchesse. C'est possible, n'attends plus. Duchessise-toi. Nouveauté cette année, il y aura un Duchesse. Mesdames et messieurs de 18 à 108 ans, rendez-vous à revengeanceduchesse avec un S.com et remplissez le questionnaire pour devenir Duchesse. Date limite, 18 novembre. La revengeance des Duchesses 2012. Ce sera la fin du monde. Tu es vraiment infernal. Le 25 novembre, participez à la Fête de la solidarité, une soirée cabaret organisée par le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec au profit de la défense collective des droits. Venez déguster un souper chili préparé par le Café Babylone et danser avec nos invités. Dick Nonbombs, Flavia Nascimento, Stéphane Robitaille et Ja and I. Vendredi 25 novembre à partir de 17h30 au Centre Horizon. 801 4e rue dans Limoilou, entrée 10 $. Informez-vous sur sgpq.org, 418-529-4407. La fête de la solidarité est rendue possible grâce à la Caisse d'économie solidaire, le Café Babylone, la Boîte à pain, Michel Yacoub, Agnès Maltais, la coopérative La Mauve, la Ville de Québec et CKRL. Le gala de CKRL est de retour pour une 4e année et c'est maintenant le temps de voter. Comment peut-on l'expliquer? Votre participation compte pour 50% du résultat. Rendez-vous sur le site de CKRL et faites-nous connaître vos émissions favorites. Un monde en apparence inaccessible. Les gagnants seront dévoilés le 25 novembre prochain. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez jusqu'au 20 novembre pour voter. CKRL.qc.ca. Parce que c'est maintenant à votre tour de vous faire entendre. Mon intelligence se révolte! Bonjour, ici Anne Perrault. Le 25 novembre, soyez des nôtres à l'Impérial afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde. Un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Catherine Major, Damien Robitaille, Alpha Rococo, Marc Derry, Orange Orange, Marco Cagliari, Papa Groove, Isabeau et les chercheurs d'or, Chantal Archambault, Pénaroua, Catherine Pogonat seront aussi de la fête. Les billets sont disponibles sur jeunesmusiciensdumonde.org et à l'Impérial. Une présentation de la Capitale Groupe Financier. Tous les jours de la semaine, de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente le Continental, l'émission du matin de CKRL. Un déjeuner en forme de buffet formatif et culturel, porté par les rythmes tonifiants de la meilleure musique urbaine francophone, de l'inédit et de la fraîcheur, comme à la boîte à pain Café Napoli. La boîte à pain Café Napoli, c'est près de 40 variétés de pain artisanal, un choix de salades, sandwichs et pizzas cuites au four à bois, ainsi que des produits uniques. Sans oublier notre gamme de desserts, pour tous les palais, le tout pour apporter ou manger sur place. La boîte à pain Café Napoli, 396 3e Avenue et 289 Saint-Joseph Est, 88 977 75 71. CKRL 89A. Cultive tes goûts. Toujours sur les ondes de CKRL 89.1, émission spéciale de la fausse patte. Merci beaucoup Tania Beaumont qui normalement devait être aux commandes de change de disque. On dédie cette émission spéciale à Occupons Québec, le mouvement des indignés qui maintenant depuis le 19 octobre dernier a pris pied à terre à la place de l'Université du Québec, donc à côté de l'ENAP. Évidemment, le politique à Québec a vivement réagi depuis les dernières semaines à ce qui s'est passé, à ce qui se passe à cet endroit-là. On a eu des séances de conseil mouvementées là-dessus avec notre maire Régis Labeaume, qui au départ s'était montré effectivement très ouvert et très accueillant pour le mouvement Occupons Québec. Avait même promis des génératrices voilà pour l'hiver, question de se chauffer. Il y avait une très belle collaboration avec les policiers et les pompiers. Mais il y a un événement, il y a eu quelques coïncidences qui sont arrivées dans les dernières semaines. Tout d'abord, un léger début d'incendie accidentel qui a eu lieu dans le camp. Et ça a servi de prétexte pour lancer une offensive au nom de la sécurité pour le démantèlement lent mais sûr du camp. Et il y a eu aussi une coïncidence avec un discours très fielleux et vindicatif qui est sorti des radios de Québec, les radios de masse de Québec, qui sont des alliés naturels du maire Labeaume dans plusieurs dossiers, surtout celui de l'amphithéâtre. Et il y a de l'opposition à l'hôtel de ville en ce qui concerne certains dossiers. Cette semaine, il a pris officiellement la parole en faveur d'un assouplissement des interventions auprès du mouvement Occupons Québec et les indignés qui sont au Parc Saint-Roch. C'est le conseiller indépendant à la Ville de Québec du district Saint-Sacrement-Belvédère, M. Bussière, bonjour. Bonjour. Alors, merci beaucoup d'abord de vous être déplacé en studio aujourd'hui pour cette émission spéciale. Ça me fait plaisir. Bon, M. Bussière, on vous a vu d'ailleurs, entre autres, dans le journal, il y a un reportage mercredi dernier sur votre prise de position sur le mouvement Occupons Québec. Alors d'abord, pouvez-vous nous expliquer grosso modo quel est votre rôle à la mairie de Québec, à l'hôtel de ville présentement, pour que tout le monde puisse bien vous situer? En fait, je suis conseiller municipal, comme vous le dites, là, du district Saint-Sacrement-Belvédère. J'entreprends ma 19e année. Donc, quand je suis arrivé en vie politique, c'était avec le Rassemblement populaire. Donc, je suis le dernier du Rassemblement populaire encore en fonction à l'Hôtel de Ville. Par la suite, j'ai été membre du Renouveau municipal de Québec lors des fusions. Et je suis devenu indépendant lors de la dernière élection. Et donc, pour être un peu plus libre et défendre l'intérêt de mes citoyens sans ligne de parti. Et quand vous, dans le dossier qui nous concerne, il y a eu des demandes qui étaient faites, notamment de ce mouvement. Et le mouvement, en fait, a un message qui est important. C'est que vous avez 1% de la population qui détient la richesse planétaire par rapport à 99% qui l'ont pas. Donc, on est à 99% des gens qui travaillons pour ce 1%-là. Quand même. Est-ce qu'il pourrait pas avoir un nouvel équilibre, un ordre mondial différent? Est-ce qu'on peut encourager des paradis fiscaux? Est-ce que c'est... En fait, c'est des questions de fond. Quelle planète voulons-nous léguer, je veux léguer à mes petits-enfants? Est-ce que je voudrais que ce soit une planète qui est saine au plan économique, au plan environnemental, au plan social et si, aussi au plan éthique. Donc, je pense qu'on est un moment de notre histoire où l'humanité doit se repenser les peut-être certaines règles du jeu pour avoir peut-être une justice redistributrice. Et est-ce que le groupe actuellement Occupons Québec nous par rapport notamment à l'événement de Wall Street, c'est d'avoir une réflexion collective, dans le fond un temps de conscientisation. Et c'est toujours difficile de s'arrêter et puis réfléchir, puis se faire une idée sur le devenir. Parce que nous sommes dans une société de productivité, il faut produire, il faut être, faire du profit, et puis on est dans une société qui, aujourd'hui, une société qui contrôle tout. Il y a des règlements. Fait que de s'arrêter pour des gens, donner du temps à une cause comme celle qui est en cours présentement là, au jardin Saint-Roch ou sur la place de l'Université du Québec, à Québec, c'est un lieu de forum, un lieu de rencontre de toutes les classes, je dirais, sociales, parce que moi, j'ai des jeunes qui m'ont appelé, un étudiant, entre autres, de l'Université Laval qui fait sa maîtrise, qui est dans le mouvement, un autre, un jeune entrepreneur qui m'a appelé, j'ai rencontré quelqu'un qui est sur l'aide sociale lorsque j'étais sur place, il y a des sans-abri qui circulent, la population en général peut passer sur la place, il n'y a pas de barricade, là, c'est un lieu public où actuellement il y a une réflexion. Donc, Occupons Québec se pose la question, est-ce que cette vigile qu'on fait depuis près d'un mois doit être continuée durant tout l'hiver? En fait, une vigile, c'est que 24 heures par jour, 7 jours par semaine, on garde une petite flamme allumée dans la nuit.